Mwazia libara Songo nini Tango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Tango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Ozali fololo nangai Mote manangai Bote Mwazia libara Songo nini Mbote Mwazia libara Songo nini Tango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Tango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Ozali fololo nangai Mote manangai J'aime tomber dans géo, pilon pilé. Bonjour, madame Abdiou, bonjour. Où m'envoyer? Bonjour, madame Abdiou, bonjour. Où m'envoyer? Sa voix m'a donné doudou. Gamba ta coupilon. Capé pile pitimi. Tellement m'aimé. Chaque fois m'a donné doudou. Gamba ta coupilon, papé pile pitimi, tellement m'remè. Ou belle coup fleur dans le paradis, ou belle ta coup étoile. Chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pile. Beauté, mwazia libara, sangonini. Beauté, mwazia libara, sangonini. Tango na mbona kayo, mote manangai, ebetaka magazi, malingio. Tango na mbona kayo, mote manangai, ebetaka magazi, malingio. Ozali fololo nangai, mote manangai. Bonjour, madame Abdiou, bonjour. Madame Abdiou, bonjour, ou m'envoyer. Chaque fois m'a donné doudou, gamba ta coupilon, papé pile pitimi, tellement m'aimé. Chaque fois m'a donné doudou, gamba ta coupilon, papé pile pitimi, tellement m'aimé. Ou belle gouffler dans le paradis, ou belle ta cousette d'ouelle. Chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pilé. J'aime tomber dans géo, bilan pilé. Chaque fois j'aime tomber dans géo.